Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday. my chain. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. No, no, no, no, no, no, no, no, no, my chain. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Mon cœur est un papa. You know, la propriétaire. Mon cœur est un papa. You know, la propriétaire. Boop boop be doo.